Bosco, Douimane. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro, c'est le journal. Nous sommes le 24 mai 2021. Voici les grands titres de cette édition. Le concours national donnant accès au cycle post-fondamental de l'enseignement au Burundi commence ce mardi. Les écoles visitées par nos reporters à Bujumbura et à Rumonge affirment s'être bien préparées. Le sucre continue à être une denrée rare. À Karusi, son prix au kilogramme est passé à 7000 francs burundais contre 2500 francs burundais, le prix officiel. Et souvent, dans la clandestinité, les consommateurs disent que cette situation est devenue intenable. Et dans le reportage du jour, nous irons à Rutana où notre reporter a rencontré des rapatriés installés provisoirement en attendant d'être conduits dans leur province d'origine. Il nous décrira les conditions précaires dans lesquelles vivent ces rapatriés. Et la chronique sportive ce lundi concerne l'organisation de la course automobile, le rallye, au niveau national. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Pénurie de sucre dans la province de Karusi. La situation est persistante. Le kilogramme s'achète au prix de 7000 francs burundais, cela dans la clandestinité. Les consommateurs de ce produit de la société sucrière du Mosso se plaignent que le sucre n'est plus parmi leurs denrées alimentaires car ils n'en trouvent plus. Le commerçant distributeur de ce produit dans la province dit que la province n'a eu que 10 tonnes depuis le début de ce mois de mai sur son quota mensuel de 40 tonnes. Les détails avec notre correspondant Blaise Pascal Kararumi. Les parents des enfants s'indignent que leurs enfants ne reçoivent plus de la bouillie ni le thé et même ceux qui vont à l'école suite à la pénurie du sucre dans toute la province de Karusi. Son manque de sucre est aussi à la base de la suspension de la plupart des activités qui se font dans les boulangeries et cafétérias, comme l'expliquent les propriétaires de ces maisons. Il faut signaler qu'un kilogramme de sucre s'achète actuellement 7000 francs et cela dans une clandestinité totale. Le représentant des commerçants de la province Karusi et qui est aussi le distributeur de ce produit de la Sosumo dans toute la province Karusi, indique que dès le début de ce mois de mai, la province n'a eu que 10 tonnes de sucre sur les 40 tonnes qui étaient habituellement distribuées dans la province chaque mois. Pour l'approvisionnement suivant, Aimable Libakare, de même que le conseiller du gouverneur chargé des questions économiques, signale tous qu'ils avaient la promesse du 15 de ce mois de mai, mais qu'ils attendaient encore cette quantité du sucre qui fait partie du quota de la province au cours de ce mois de mai en cours. Ils indiquent que c'est la première fois que sur le quota de 40 tonnes, ils ne reçoivent que 10 tonnes. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye, Radio Sanganiro. Merci Blaise. Et parmi les défis auxquels la cour militaire fait face figure le rapprochement de cette institution aux divisions ainsi que l'investigation sur les délits commis par les militaires déployés dans les missions de maintien de la paix ailleurs. Et ceci a été déclaré ce lundi à Gitega par le président de la cour militaire dans un atelier de 3 jours organisé à l'intention des cadres de la cour militaire par l'association Tabariza qui milite pour les droits des prisonniers. Le représentant de cette association espère que les procès des militaires emprisonnés seront vite traités. C'est un reportage d'Arthur Kavavouchi. Selon colonel Sylvain Atungimana, président de la cour militaire, ils font encore face à quelques défis, notamment l'investigation sur les délits commis par les troupes en mission de maintien de la paix. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est par rapport à l'instruction des infractions qui sont commises dans les pays où nos troupes sont déployées. Et quand même, nous envoyons des officiers investigateurs, mais les prévenus ou les présumés auteurs de ces infractions doivent être rapatriés pour être poursuivi par les juridictions. À ce moment, il arrive 2 fois où les complices, les témoins restent sur le terrain et que ça entraîne le retard dans le traitement de leur dossier. Il arrive même que les témoins soient des natifs de ces pays hôtes qui ne peuvent pas venir témoigner dans nos juridictions. C'est encore une contrainte parce que les cours ne sont pas autorisés à siéger dans d'autres pays. L'autre défi, c'est le rapprochement de nos juridictions aux justiciables. C'est un défi qui est en train d'être relevé parce que la Force de défense nationale prévoit l'implantation des tribunaux militaires jusque dans les divisions. Jean-Marie Chimilimana, représentant de l'association chargée de la défense des droits des prisonniers Nabadiza, espère que les procès des militaires en prison seront vite traités. Vous savez que Son Excellence le Président de la République dit que la justice doit être pour tout citoyen, même le militaire étant citoyen comme les autres, et surtout qu'il a juré de protéger le pays. C'est cette catégorie que nous avons vue qui est oubliée dans les prisons, et il est clair que leur procès soit vite exécuté afin qu'ils rentrent et que ceux qui sont blanchis regagnent le service. Imaginez-vous un militaire qui a juré de se donner pour le pays et qui est oublié dans les prisons de Murembwe ou Musaga. C'est clair que ça fait pitié car il avait juré de protéger le citoyen ainsi que les frontières. Cet atelier qui va durer 3 jours a réuni les cadres de la cour militaire. Depuis Gitega, Tukavabushi pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons maintenant éducation, enseignement supérieur. L'ordonnance ministérielle portant conditions et modalités d'octroi, de retrait, de reconduction et de remboursement du prêt bourse du 22 mars 2018 concerne les frais de subsistance des étudiants burundais, dont la restauration. Les étudiants du premier cycle perçoivent mensuellement 60 000 francs burundais, ceux du second cycle 100 000 et ceux du troisième cycle 150 000 francs burundais. Mais ce prêt bourse n'est pas régulièrement versé à temps. Jean Dodieu, il a causé, nous a lu le contenu de cette ordonnance. L'ordonnance ministérielle portant conditions et modalités d'octroi, de retrait et de reconduction et remboursement des prêts bourses du 22 mars 2018 concerne les frais de subsistance des étudiants burundais. Ces frais incluent la restauration, le transport, l'hébergement et autres soins comme le précise l'article 19. Ces frais sont mensuels et versés sur les comptes des bénéficiaires. Ils sont fixés à 60 000 pour les étudiants du premier cycle de l'université, 100 000 pour le second et 150 000 pour celle du troisième cycle, comme noté dans l'article 20. Dans l'article 21, il est précisé que ces montants peuvent être réajustés par l'autorité compétente, notamment en fonction des dotations budgétaires. Et l'article 22 indique que la commission de gestion des bourses d'études et stages peut accorder une assistance particulière en nature en vue de l'encouragement des candidats poursuivant des formations dans les filières stratégiques. L'article 4 précise les conditions d'octroi du prêt bourse, entre autres la demande écrite adressée au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, être de nationalité burundaise, disposer d'une attestation de réussite de l'examen d'état avant cooptation, note obtenue en classe non tenue compte, et d'un niveau d'études universitaires. C'était Jean Dodieu, il a causé. Je vous l'avais dit, les préparatifs au concours national du cycle fondamental se déroulent bien dans certaines écoles de la mairie de Bujumbura, visitées par notre reporter. Et comme en Provence, cap sur Rumonge, où nous retrouvons notre correspondant Jean-Pierre Misago. Il nous rapporte qu'Isaac Ndikurio, directeur de cette province scolaire, qui le dit, se base sur l'achèvement des programmes à temps, ce qui a permis la passation et la correction de plusieurs tests d'entraînement. Il espère ainsi que cette province scolaire, qui était parmi les dernières ces 3 dernières années, va progresser. Il appelle les candidats à travailler avec sérénité. Jean-Pierre Misago. Les préparatifs au concours national qui débutent ce mardi au Burundi ont commencé avec le début de l'année en cours par le renforcement de l'encadrement pédagogique et administratif, par la fixation de la prévision matière et l'organisation des examens provinciaux pour suivre de près l'état d'avancement des programmes en province scolaire de Rumonge. Avec la continuité des enseignements aux élèves des 9e années pendant les vacances de Pâques, cela a permis l'achèvement des programmes à temps et la révision de la matière, comme le dit Isaac Ndikurio, directeur de cette province scolaire. Cela nous a permis de terminer les programmes à temps, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, tous les programmes ont été achevés et le mois de mai a été à moi pour faire les révisions, mais aussi de faire la collection des épreuves type que le ministère nous a envoyé. Avec cette stratégie, ce responsable scolaire espère que cette province, classée parmi les dernières, ces trois dernières années, va améliorer ses résultats et partant son classement au niveau national. Isaac Ndikurio appelle les candidats au concours national à la sérénité. Nous lançons un appel aux élèves d'être calmes, car le concours, c'est comme les autres examens qu'ils font quotidiennement. 6717 est l'effectif de candidats attendus à passer ce concours dans 51 centres prévus dans cette province scolaire. Jean-Pierre Misago, depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Comme je vous le disais tantôt, à mairie de Bujumbura, certaines écoles visitées par notre reporter, notamment au lycée Notre-Dame de Rohero, toutes les matières prévues ont été dispensées, sauf les épreuves types qui n'ont pas été achevées, comme l'a indiqué le directeur de cette école. Au lycée du lac Tanganyika 2, l'on déclare s'être bien préparé. Le directeur de cet établissement ainsi que les élèves sont confiants et prêts à affronter cette épreuve. Lydie Gahimbare. Des élèves du lycée du lac Tanganyika 2 affirment qu'ils ont été bien préparés pour faire le concours national de fin du cycle fondamental. Ils réaffirment qu'ils ont vu toute la matière prévue. Laurent Ngengrouté, directeur du lycée du lac Tanganyika 2, dit que les préparatifs au concours national vont bon train. Les préparatifs vont bon train. D'abord, du côté des enseignants, toute la matière a été écoulée, celle qui était prévue pour cette année scolaire 2020-2021. Du côté des élèves, le temps de réviser, ils ont eu un temps suffisant pour les révisions. Nous avons également visité le lycée Notre-Dame de Lohilo. Là aussi, le directeur de cette école, Erike Nyeshimana, rassure que les préparatifs se déroulent bien. Les préparatifs vont bon train. Les élèves se sont préparés avec leurs professeurs. Nous avons terminé les programmes à temps. Il y a le cours de sciences et technologies qu'on a terminé un peu tardivement, mais tous les autres programmes ont été bien achevés. Nous avons eu des difficultés parce que d'abord le trimestre était très court. On a été obligé de préparer les élèves sur tous les week-ends et les jours fériés pour terminer les programmes. Maintenant, nous avons donné des épreuves types et ces derniers ont été... On nous a donné les épreuves types un peu tardivement et on a essayé de les faire avec les élèves. Plus de 91 000 candidats sont attendus à cette preuve qui donne accès au poste fondamental dans tout le pays. Lydie Higahimbare, en bref, découverte vers 19h30 de ce dimanche à Magara 1, en commune Bugarama de la province Rumonge, d'un enfant qui aurait un âge inférieur à 3 mois. Des sources sur place confirmées par l'administration locale et la police indiquent que son nourrisson pleurait quand on l'a trouvé abandonné dans un coin d'une parcelle. En attendant qu'on retrouve sa mère, l'administration locale l'a confié à une maman de la place, selon l'administrateur communal de Bugarama. Les défenseurs des droits des enfants à Bugarama s'insurgent contre ce comportement et appellent au soutien de cet enfant. À la source, reportage. Certains rapatriés de Guiharo en province Routana, non originaires de cette province, vivent dans des conditions déplorables et se plaignent qu'ils sont parfois dépouillés de leurs biens. L'exemple étant de Caritas Ngendakumana qui est arrivée à Routana alors qu'elle est native de Karusi. Olivier Niwitanga, gouverneur de la province de Routana, reconnaît des cas de rapatriés des autres provinces qui s'installent à Routana en attendant d'être acheminés dans leur province d'origine. Il rassure que pour d'autres, dont le cas de cette femme, cette question sera vidée. Elinibel Niwigira. Caritas Ngendakumana est une veuve de 3 enfants rapatriés. Elle s'installe sur la colline Kibingo, non loin du chef-lieu de la commune Giharo en province Rutana. Et là aussi, elle a juste demandé l'abri car elle dit avoir été dépouillée de ses biens. Après 5 ans à l'exil en Tanzanie, elle décide de rentrer au Berkay quand elle a appris l'octroi d'argent qui, selon elle, était distribué par le président de la République. Je suis partie à l'exil en 2016 et je suis revenue en janvier de cette année. Moi, j'avais fui la faim. J'ai appris que le président de la République est en train de distribuer de l'argent. Je me suis décidée de revenir au Burundi afin de bénéficier de cet argent qui me permettra d'acheter une parcelle qui va abriter mes enfants. Nous demandons que les bienfaiteurs nous aident à construire des maisons d'habitation et nous assurer une assistance alimentaire. Et nombreux sont ceux qui sont dépouillés de leurs biens. Les problèmes que rencontrent les rapatriés qui ne sont pas dans leur province d'origine, quand l'on nous dépouille de nos biens, l'on n'est pas assisté. Cette femme affirme qu'elle a saisi l'administration à la base communale, mais la réponse se fait toujours attendre. Le gouverneur de Rutana confirme des cas de rapatriés qui s'installent à Rutana alors qu'ils ne sont pas originaires de cette province et surtout dans les communes Bukemba et Giharo. Cependant, en collaboration avec l'administration d'origine, cette question trouve solution. Rassure Olivier Nibitanga. Plus souvent, ils se trompent de la province d'origine et on le remarque quand ils arrivent. On collabore avec d'autres administratifs des provinces d'origine afin de les acheminer dans leur domicile pour qu'ils se sentent réellement à l'aise. Il y a beaucoup de rapatriés, surtout dans les communes de Bukemba et Giharo. Jusqu'à présent, nous trouvons que la situation de rapatriement est bonne car nous faisons une large sensibilisation et l'État sensibilise aussi les réfugiés de regagner leur pays natal. Le cas de cette femme, de même que d'autres qui se sont installés à Rutana alors qu'ils ne sont pas originaires de la province, seront réglés prochainement, tranquillise Olivier Nibitanga, gouverneur de la province Rutana. Eli Nibel Nibigira, de retour de Rutana où il fait 13h13 minutes. Comment Bujumbura? Radio Isanganiro, chronique sport. 5 compétitions de rallye sont organisées chaque année par la Fédération Urgente des clubs automobiles sur différentes routes se trouvant à l'intérieur du pays. Propos d'Ado Negamiye, directeur des courses au sein de la Fédération Burundaise de rallye, qui précise qu'à part les trophées, les gagnants obtiennent d'autres primes. Les détails avec Marie-Claire Kazenedze. 5 compétitions de rallye sont organisées chaque année au Burundi par la Fédération des clubs automobiles sur les routes fermées goudronnées. C'est l'explication de Adon Negamiye, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on essaie d'organiser 5 compétitions par an, qui sont 3 rallyes et 2 slaloms. Les slaloms, ce sont les compétitions qu'on organise sur des routes fermées, goudronnées. On donne la possibilité aux amateurs de sport automobile de venir nous montrer leurs compétences. Il ajoute que le rallye au Burundi n'est pas un sport professionnel, tout en précisant que les rallymen sont soutenus par leur club lors de la compétition. Le sport automobile du Burundi, c'est un sport amateur, c'est pas un sport professionnel. C'est un sport qui demande beaucoup de fonds. Ça demande de l'argent pour faire le sport, pour organiser ça. Souvent, ce qu'on attribue à ceux qui ont gagné le rallye, le club leur accorde des avantages, notamment on leur fournit le carburant pour faire le rallye, on leur fournit les chambres, là où ils vont dormir durant les compétitions. On leur fournit une assurance, assurance de santé. Lorsqu'ils ont un accident, ils sont évacués sur la région, c'est-à-dire au Kenya, au Rwanda ou bien en Tanzanie, là où ils peuvent avoir des soins qui sont plus avancés qu'ici. L'assurance est payée par le club. Ce que le club leur fournit, ce n'est que ces 3 grandes choses. Et aussi, on leur donne des coupes à la fin des rallyes ou des compétitions. Ce directeur des courses au sein de la Fédération des clubs automobiles au Burundi fait savoir que les compétiteurs burundais dans le sport de rallye sont bien connus en Afrique du fait qu'ils ont été champions d'Afrique dans les années 1980. 90. Au sein de la région, nos compétiteurs sont bien connus dans la sous-région et aussi en Afrique. On a eu la chance d'être champion d'Afrique dans les années 1990 avec Costa Walter et Rudy Katanede. Ils ont été champions d'Afrique. C'est pour ça que notre sport est bien connu au sein de la sous-région et au sein de l'Afrique. Nos compétiteurs sont bien vus dans la sous-région et aussi en Afrique. Ici au Burundi, on a été premier dans les compétitions en Ouganda. Nos compétiteurs sont bien connus au Rwanda. Nos compétiteurs sont bien connus aussi au Kenya. Et on a eu la chance de participer dans des compétitions internationales, notamment le championnat du monde des rallyes. On aura aussi la chance d'avoir un participant dans le championnat du monde des rallyes. On espère avoir un compétiteur venu du Burundi ou bien un compétiteur qui a un renom ici au Burundi. Dans la prochaine chronique sportive, Adonne Gamillé expliquera les défis auxquels font face les pratiquants de sport de rallye au Burundi. Merci Marie-Claire Kazeneza. Puisqu'on parle sport, la croyance au pouvoir magique et différentes formes de tricherie sont les défis majeurs qui ont caractérisé le championnat national de football cette année. Youssouf Moss, président de la commission chargée de la préparation des championnats à la Fédération de football du Burundi, indique que c'est la première fois dans l'histoire que ce championnat se termine sans que l'on connaisse déjà le champion. Et concernant la relégation des clubs de Bujumbura aux divisions inférieures, cet expert estime que ce sont les moyens qui freinent leur progression. Il est 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana au micro. Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.